On a le droit à une petite dernière. Yes. Get me the rhythm. Faut faire plus de bruit, c'est le dernier morceau cette fois-ci. Il paraît que c'est l'anniversaire de Vincent aussi. Voilà, bon anniversaire Vincent. Ça va toujours? Je me demandais, on vous entend plus. Dans l'air, my children go. And please take the dance slow. Now, not before, now what will take to touch me? Give some love and never stop. My world is on fire. This wisdom is on fire. Before the rhythms makes a rise. Merci beaucoup. Allez, pour faire plaisir, on va taper un peu dans les mains, s'il vous plaît. Merci, prenez soin de vous, peace, love and unity.